إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On est aujourd'hui arrivé au cours numéro 40 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim. C'est un livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans lequel il explique qu'est-ce qui a rapport avec l'interdiction d'imiter les kuffars. On a expliqué au dernier cours qu'est-ce qui avait rapport avec la divergence. Et on est toujours dans le domaine de la divergence, de la division. Et c'est pour nous dire en même temps que Allah nous a interdit de nous diviser. Et que les peuples qui sont venus avant nous, ou qui ont vécu avant nous, eux se sont divisés dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser nous aussi. Même si il nous a dit qu'il y allait y avoir de la division, il y allait y avoir de la divergence, mais il n'a pas dit ça dans le sens de l'approbation de la division ou de la division ou de la divergence. Il a dit ça dans le sens de dire que accrochez-vous à la vérité et ne vous divisez pas. S'il y a de la division qui arrive ou de la divergence, alors restez sur la vérité et soyez de ceux qui ne se divisent pas. Donc, ça c'est dans ce sens-là. Maintenant, on va commencer avec la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, le passage numéro 146. Le Cheikh al-Islam, il dit, à la page 282, « وَهَذَا الْإِخْتِلَافَ الْمَذْمُومِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ سَبَبُهُ تَارَةً فَسَادُ النِّيَّةِ لِمَا فِي النُّفُوسِ مِنَ الْبَغِي وَالْحَسَدِ وإرادة العلو والفساد والأرض وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صدقة أو صداقة ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة وما أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم. Donc le cheikh il décrit certaines causes de la divergence. Certaines causes de la divergence. Et écoutez bien les explications qu'il donne et écoutez bien les exemples de causes de la divergence. Pour bien reconnaître qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, parce que qu'est-ce qu'il décrit, c'est pas quelque chose qui est spécifique à une personne ou à un individu quelque part dans le monde, mais c'est quelque chose qui est dans l'être humain lui-même. C'est-à-dire, ça fait partie de l'être humain qui est comme ça. C'est pas à une époque spécifique, c'est pas à un endroit spécifique seulement, c'est pas à une personne en particulier. Mais c'est dans l'homme, dans l'être humain, comment Allah l'a créé, qu'on retrouve ces caractéristiques-là. Et c'est des choses que l'homme doit toujours combattre. Toujours essayer de combattre pour essayer de s'en détacher, de s'en libérer, de s'en guérir. Donc il dit وَهَذَا الْإِخْتِلَافِ. Donc il dit cette divergence qui est blâmable des deux côtés, peu importe de quelle partie des deux qui a divergé et lequel des deux, il y en a, des fois c'est, comme on a dit, des fois c'est les deux hein, qui ont une partie de la vérité, hein, mais ils rejettent la partie de la vérité que l'autre possède. On a donné cet exemple-là. On a donné l'exemple où les deux ont raison, mais par contre, l'un ignore la version de l'autre ou qu'est-ce que l'autre a comme vérité. Donc, il nie ce que l'autre possède la vérité et vice-versa. Donc, le cheikh, il dit, donc, ça, c'est une forme de divergence qui est blâmable des deux côtés. Et il dit, parfois, cette divergence-là, la cause de cette divergence-là, c'est l'intention qui est corrompue. Fasad ou niya. Donc déjà à la base, la personne n'a pas une bonne intention. Lima fi an-nufus min al-baghi wal-hasad. À cause de ce qu'il y a dans l'âme, comme disons rivalité, jalousie, wa iradati al-ulwi fi al-ard bil-fasad, et la volonté de vouloir s'élever hein, sur les autres, en faisant du désordre sur la terre. Donc, de vouloir être au-dessus, de vouloir s'élever sur les autres. Donc, ça, c'est des choses qui sont en l'homme. Hein? La rivalité, la jalousie, la transgression, hein? Toutes ces choses-là, c'est des mauvaises caractéristiques qui existent en nous. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je n'ai jamais eu de jalousie, jamais été jaloux de personne, jamais, jamais. Tout le monde a quelque chose de ça. Mais à des degrés différents. Et chacun, il doit essayer de combattre ça en lui-même. Parce que ça fait partie des, comme on dit en islam, al-akhlaq al-dhamima. Les caractéristiques du caractère et de la personnalité qui sont blâmables, qui sont laides, qui sont mauvaises, hein, qui sont détestables chez l'homme. Personne aime une personne jalouse. Hein? Subhanallah. Et les kuffars, ils ont besoin parfois de faire des représentations, des images, des illustrations, des films, des théâtres pour faire comprendre le mal qui est dans une caractéristique, hein, comme la jalousie ou des choses comme ça. Ils écrivent des romans, du théâtre, des choses comme ça pour montrer aux gens, regardez quelqu'un qui est jaloux, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. Alors que, alhamdoulilah, la umma de l'islam, on n'a pas besoin de ça. Parce que l'islam est tellement clair et les choses sont tellement bien expliquées dans les textes. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne fais pas preuve de jalousie, ne sois pas jaloux. Et il te donne des exemples dans le Coran et dans la Sunna pour que tu saches qu'est-ce que c'est la jalousie et comment tu peux t'en écarter et qu'est-ce qui arrive si tu fais, si tu es jaloux et quand tu vas agir avec jalousie, qu'est-ce que ça va causer comme conséquence. Tout ça c'est expliqué dans la charia d'Allah. Donc on n'a pas besoin de cette culture des kuffars qui est de vouloir toujours essayer de représenter le mal par des exemples ou par des théâtres ou par des cinémas. Et malheureusement, beaucoup de hezbiyens ont été influencés par les kuffars dans ça, puis on les voit maintenant essayer de faire des théâtres islamiques et des cinémas ou même des films maintenant soi-disant islamiques pour essayer de montrer le mal, pour essayer de montrer aux gens des exemples et des choses comment agir. Est-ce que nous, on a besoin de ça? Non. Pendant plus que 1400 ans, on n'a pas eu besoin de ça. Jusqu'à ce que ces gens-là arrivent, commencent à imiter les juifs et les chrétiens et vouloir utiliser ces méthodes nouvelles pour essayer de faire la da'wa. Donc ça, c'est des exemples qu'on retrouve chez les ikhwan, chez les gens qui suivent cette tendance-là. Et on avait vu en Europe, il y en a certains, essayer de faire ça, même ici aussi en Amérique du Nord. Et alhamdoulilah, les ulama, ils ont clarifié le hukum là-dessus, que c'est pas permis. Hein? Donc, on n'a pas besoin de ces choses-là pour connaître le mal qui est dans les mauvaises caractéristiques de l'homme. Il dit, « wa nahwi dhalik » et ainsi de suite, parce qu'il y en a beaucoup d'autres caractéristiques et beaucoup d'autres mauvais comportements, beaucoup de mauvais traits de personnalité. Et le chef, il ne va pas toutes les énumérer, hein, tout mentionner, mais il mentionne les plus importants, les plus apparents. Et il dit, à cause de ça, c'est-à-dire à cause de la jalousie, de la rivalité, de l'arrogance, l'orgueil, il aime voir sa parole au-dessus et prendre le dessus de la parole de l'autre, et il aime critiquer ou blâmer la parole ou l'action de l'autre, même si elle est correcte, même si elle est bonne, même s'il y a une partie de vérité dedans. Ou il aime être en accord avec celui qui est en lien de parenté avec lui. Parce qu'il dit, ah, lui, il est de même lien de parenté avec moi, même origine que moi, donc moi je vais le défendre. Ou bien même madhab que moi, moi je suis maliki, lui il est maliki, je vais le défendre. Parce qu'on est du même madhab. Même si le dalil, il n'est pas en ta faveur. Ou bien il est le même pays que moi. Ou bien c'est parce que c'est mon copain, c'est mon ami. Il est proche de moi, je le trouve sympathique, donc je vais le défendre, même s'il est sur le batil. Donc ça c'est des exemples. Il dit lima fi qiyam qawlihi min husul al-sharaf, parce que quand il va faire ça, quand il va donner précédence à ces choses-là au-dessus de la vérité, il va peut-être arriver à obtenir une certaine noblesse, un certain respect, une certaine position. De chefferie, devenir chef, ou d'être responsable de quelque chose. Et à cause de ça, donc, il met de côté la vérité, puis il met ces choses-là en avant. Et ça, il dit, comme ça se produit souvent chez les fils d'Adam. Ça, c'est quelque chose qui se produit souvent chez les fils d'Adam. Donc, ça veut dire que c'est une caractéristique des êtres humains. Et il dit, وَهَذَا ظُلْمُ. Et ça, c'est de l'injustice. Tu vois? Donc, ça, c'est la parole de Cheikh al-Islam. Et il décrit des situations, des caractéristiques et les causes pourquoi ça se produit. Après, Cheikh al-Fawzan, il commente là-dessus. Il dit, Al-Maqsoud anna hadha l'ikhtilaf mazmoumun min al-tarafayn. Lianna kila minhuma, ou lianna kullam minhuma, khalaf al-haq wa rafadahu. Wa man yarfud al-haq ya'tihi. في عماية الباطل قال سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد والله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فلما لم يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الاختلاف الذي له أسباب أعظمها وأخطرها اتباع الهوى واتباع رغبات النفس والدافع إليه إنما هو طلب الرئاسة والكبر والاستعلاء على الناس وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا نسأل الله العافية وهذا ظلم لأنه مخالفة للحق أو مخالفة للحق وضلال وظلم لأنه يحمل على التظالم بين المختلفين فترى كل طائفة تبغي وتطغى على الأخرى وتريد أن تستبد بالأمر دون الأخرى وهذا لا شك أنه مذموم غاية الذم. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par... Qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah veut dire par là? C'est que la divergence, c'est quelque chose qui est blâmable des deux côtés. Yani des deux côtés, peu importe yani lequel des deux a contredit la vérité ou l'a refusé. Et il dit celui qui... Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah. Et celui qui refuse la vérité ou qui rejette la vérité, eh bien, il commence à s'aveugler et à suivre le faux et à vouloir suivre qu'est-ce qui est faux et à défendre qu'est-ce qui est faux. Donc, il dit des versets, il cite des versets dans le Coran, le verset 176 dans Sourate Al-Baqarah. Et ceux qui divergent à propos du livre sont dans un schisme éloigné. dans une séparation, une division éloignée. Et il dit dans le verset 137, il cite le verset dans Surat Al-Baqarah 137 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'ils croient de la même façon ou en la même chose que en ce en quoi vous avez cru, alors ils seront bien guidés. S'ils croient en la même chose que ce en quoi vous avez cru, alors ils seront bien guidés. Mais s'ils s'en détournent, alors ils ne seront que dans la division, et dans la fraction. Ils vont se diviser. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala va te suffire d'eux. Et il est l'Otien et l'Omniscient. Il dit, donc, lorsqu'ils n'ont pas cru en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, ils sont tombés dans la divergence à cause de ça. Et il dit, il y a des grandes causes à ce genre de divergence-là. Et parmi les plus importantes de ces causes et les plus dangereuses de ces causes, il y a le fait de suivre sa passion. Il y a le fait de suivre les désirs de l'âme. Il y a le fait, il dit, parce que qu'est-ce qui pousse l'homme à faire ça ou à vouloir tomber dans ça? C'est le fait de chercher à obtenir toujours une position de chef. Tu veux être celui qui est à la tête de quelque chose. Tu veux être au-dessus. Tu veux être celui qui est le numéro un. Tu veux être à la tête. Tu veux être le chef. Tu veux avoir le pouvoir. Ou bien il y a la question de l'arrogance, la fierté, de vouloir être au-dessus des autres. Et donc, ceux-là, ce sont ceux qui veulent la fierté, être élevé sur la terre et qui veulent le désordre. Nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous épargne de ça. Et ça, c'est de l'injustice. Il dit, parce que c'est le fait de contredire la vérité et de tomber dans l'égarement. Et l'injustice, pourquoi on dit que c'est de l'injustice? Parce que ça pousse l'homme à faire de la transgression et à agir injustement envers les autres. Quand il y a deux personnes qui divergent comme ça, ça pousse l'un à être injuste envers l'autre. Et il dit, tu vois que chacun des deux groupes, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit, chacun des deux, il transgresse vers un contre l'autre et il rivalise avec l'autre. Et tu veux donc, chacun veut avoir raison et avoir le dessus sur l'autre, et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est blâmable, absolument blâmable. Le cheikh, il dit, وَيَكُونُ سَبَبُهُ تَارَةً أُخْرَى جَهْلَ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ الَّذِي يَتَنَازَعَانِ فِيهِ أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. Donc dans le passage numéro 147, passage suivant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et parfois, ce sera également, la cause de ça, ce sera l'ignorance des deux parties de la réalité de la chose dans laquelle ils sont en divergence. C'est-à-dire que les deux parties sont pas d'accord l'un avec l'autre, mais la cause de ça, c'est parce que les deux ignorent la réalité de la question sur laquelle ils sont pas d'accord. Subhanallah. Donc étant donné que les deux sont pas au courant de la réalité du sujet, ils sont pas d'accord. Parce qu'ils pensent qu'il y a une divergence, alors peut-être qu'ils connaissent même pas réellement le sujet comme il faut. Donc lui il dit ça. Et qu'est-ce qui est le plus grave parfois, c'est que des fois on dit la même chose, mais on dit pas la même chose. On dit pas la même chose de la même façon. C'est-à-dire, on dit la même chose mais différemment. Mais à la fin, c'est la même chose. Mais parce qu'on ne dit pas la même façon les choses, on diverge ou on pense qu'on diverge. Et on commence à se disputer, à se diviser à cause de ça. J'ai vu des exemples comme ça. Tu vois une personne, il dit une chose, et tu dis, et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit telle chose, et tu dis les deux, c'est la même chose. Mais ils sont pas, ils réalisent pas que qu'est-ce qu'ils disent, c'est la même chose, parce qu'ils s'entendent pas sur la façon de le dire. Donc ça, c'est des causes également de division et de divergence. Un autre exemple que le cheikh a mentionné, il a dit, ou bien que un des deux, il ignore la preuve de l'autre. C'est-à-dire, un des deux parties ignore le dalil, la preuve que l'autre a ramenée à propos de la question. Ou un des deux, وعليكم السلام ورحمة الله, ou un des deux ignore ce que l'autre a de la vérité, soit dans le jugement ou dans la preuve. Ou il connaît ce qu'il a lui-même comme vérité dans le verdict, dans la preuve, mais il ignore ce qui est avec l'autre. Donc à cause de ça, ça fait tomber la personne dans l'ignorance et dans l'injustice. Islam, mène-moi en bouteille tout. Barakallahu fik. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, « هذا سبب هو الجهل وهو أخف من الأول وإن كان مظموما. » Jazakallahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah. كيف الحال رضا بخير؟ الحمد لله وفيك بارك انا بخير والحمد لله بارك الله فيك. Donc il dit, هذا السبب هو الجهل وهو اخف من الاول وان كان مذموما لان المفروض ان يسال الجاهل اهل العلم ولا يتعمد او يعتمد على رايه فانه سيضل الطريق لا محاله. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc Hassan, c'est quoi la cause? Je voulais voir si tu dormais ou si tu étais réveillé. Bon, la cause, le cheikh il dit, la cause c'est l'ignorance ici. Un des deux, il ignore quelque chose, la preuve de l'autre, ou la question, il ignore comme il faut. Qu'est-ce que c'est la réalité de la divergence? Donc, le cheikh, il dit, l'ignorance, ça c'est moins pire que l'exemple qu'on a mentionné des causes précédentes. Les causes précédentes, c'était quoi? La jalousie, le fait d'envier l'autre, de rivaliser avec l'autre. Maintenant, c'est le fait d'ignorer. Il dit, même si c'est moins grave que le premier, l'exemple de tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose de blâmable. Et il dit, parce que la personne qui est ignorante, elle était supposée de poser la question aux hommes de science, si elle ne savait pas. Et non pas de se baser sur son opinion. Parce que si elle se base sur son opinion alors qu'elle n'a pas de science, c'est certain qu'elle va s'égarer du chemin. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 43 dans Sourate An-Nahl, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Demandez à ceux qui détiennent la science si vous ne savez pas. Donc il dit ensuite, فَلَمَّا لَمْ يَسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ وَرَكِبُوا رُؤُوسَهُمْ وَتَمَادَوْا فِي جَهْلِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ عُلَمَاءَ اِخْتَلَفُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ وَتَنَاحَرُوا حَتَّى آلَ الْأَمْرُ بِهِمْ إِلَى الْمُشَاحَنَةِ وَظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَهَذَا وَاقِعٌ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمِ هَذَا وَاقِعٌ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمِ خُصُوصًا الْمُتَعَالِمِينَ الَّذِينَ تَتَلْمَذُوا عَلَى الْكُتُبِ دُونَ أَنْ يَبْحَثُوا عَنِ الرُّكَبِ دُونَ أَنْ يَجْثُوا يجثو على الركب عند العلماء ودون دراسة المقررات الدراسية المنضبطة. Donc le cheikh il a mis, comme on dit, comme on dit en anglais, le cheikh nailed it, il a frappé le clou là où il fallait. Il a dit, étant donné que ces gens-là, ils n'ont pas posé la question aux hommes de science. Et il emploie une expression en arabe يعني سبحان الله j'aime beaucoup cette expression là يعني ركبوا رؤوسهم. Ça c'est une expression, je sais pas quand on le traduit, ça donne pas le même sens, mais c'est comme si ils ont monté sur leur propre tête. Yani c'est comme si c'est comme s'ils sont montés sur leur propre tête. Yani ils sont partis, yani sans yani modestie, sans retourner aux hommes de science pour poser la question. Ils sont montés sur leur tête avec la fierté, l'orgueil, hein, l'ignorance et ainsi de suite. Et ils ont yani ils se sont enfoncés dans leur ignorance en pensant qu'ils sont des savants, en pensant qu'ils avaient compris, qu'ils savaient. Et ils ont donc divergé entre eux et ils sont arrivés à se s'entretuer, ou pas s'entretuer, mais en tout cas se disputer durement entre eux, jusqu'à ce que ça amène à de la dispute, de l'injustice de l'un contre l'autre. Et il dit ça, c'est la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui, et en particulier les gens qui prétendent à la science, qui disent qu'ils sont des savants ou qu'ils ont de la science, parmi ceux qui se sont satisfaits de prendre la science juste des livres, mais qui ne sont pas assis sur leurs genoux devant les savants. Et donc, ils n'ont pas étudié la matière qui est à étudier dans les cours. Lorsque des gens étudient à l'université, par exemple, il y a qu'est-ce qu'on appelle des muqarrarat. Il y a un programme d'éducation qui a été établi. Puis, ce programme d'éducation qui a été établi par des ulama qui rassemble la science et qui clarifie les points et qui met les choses en ordre comme il faut. Parce que dans les livres de science, si tu t'en vas par toi-même, tout seul, puis tu commences à vouloir enseigner ou apprendre tout seul dans les livres, sans retourner au ulama, ben, les livres, des fois, ils sont pas bien... c'est pas qu'ils sont pas bien structurés, mais qu'il y a des livres, des fois, il y a des questions sur lesquelles il y a des divergences. Et le livre en question, peut-être qu'il n'a pas analysé la question en profondeur. Il a juste mentionné, juste une opinion ou un point de vue sur une question sans rentrer dans la question en détail. Donc, la position qui en découle, ça se peut que c'est une bonne position, mais aussi ça se peut que ce soit pas une bonne position. Donc, la personne qui va lire ça, elle va sortir avec quelque chose, mais peut-être que c'est pas justement quelque chose qui a été approfondi, tu vois. Donc, quand tu te réfères à des livres et des enseignements des ulama, c'est beaucoup plus clair. Ta science va pas être... Tu sais, c'est comme des fois, t'as une table, comme, mais elle est fragile, tu vois. C'est comme si on dirait que elle bouge beaucoup comme ça, tu vois, elle est pas solide. C'est comme ça la science de la personne quand elle apprend pas des hommes de science. Quand elle a pas pris la science des ulama, sa science, elle est comme ça, elle bouge beaucoup. Pourquoi? Parce que il a pas pris des bases fermes. Et il est toujours dans le conflit entre les divergences. Tu vois, il ne sait pas où est-ce qu'il est la vérité entre les différentes positions. Il a entendu une chose, il a lu une chose dans un livre, dans l'autre livre il a lu une autre chose, dans l'autre livre il a lu une autre chose. Donc à la fin il est comme un petit peu confus, puis il ne sait plus quoi faire. Alors il choisit une position, mais il n'est pas vraiment convaincu, puis il ne sait pas vraiment si c'est ça la vérité ou non. Donc il est comme on dit shaky, hein, il n'est pas ferme. Donc c'est ça le danger aussi quand tu prends pas la science des ulama. Donc il dit le cheikh, fa al-wajib 'ala al-jahil an yatawaqqaf 'an as-sayr fi tariq al-jahl wa an yubadir ila at-ta'allum hatta yatabayyana al-haqq wa at-ta'allum maysurun wa lillahi al-hamd wa idha lam yumkinuhu at-ta'allum wa 'ajiza 'anhu 'alayhi an yas'ala ahla al-'ilm ثم إذا لم يمكنه التعلم ولا سؤال أهل العلم فلا أقل أن يعترف بجهله ويتوقف إلى أن ييسر الله له ما يبدد جهله. Donc le cheikh explique que l'obligation pour l'ignorant c'est quoi? Voici les règles, comment l'ignorant doit agir. C'est-à-dire celui qui n'a pas étudié l'islam et qui n'a pas appris la religion et qui ne connaît pas. Comment il doit faire par rapport à la religion? Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à la science de l'islam? Voici ce qu'il doit faire. Il doit s'arrêter de parler de la religion. Et il doit cesser de suivre le chemin de l'ignorance. Il doit cesser de suivre le chemin de l'ignorance et se diriger et se précipiter vers l'apprentissage et l'étude jusqu'à ce que la vérité devienne claire pour lui. Donc l'ignorant, il doit s'arrêter et il doit prendre le chemin, il doit cesser de prendre le chemin de l'ignorance et se précipiter vers l'apprentissage jusqu'à ce que la vérité devienne claire pour lui. Et il dit que la science, elle est facilitée par la grâce d'Allah. Maintenant, la science, elle est facile d'accès. Il y a beaucoup de moyens, hein? Donc, la science, elle est facile. Et il dit, s'il ne lui est pas possible d'apprendre, c'est-à-dire d'étudier et d'apprendre avec les ulama, mais au moins quand il a des questions, ou quand il a des choses qu'il ne comprend pas, il peut poser la question à des shuyukh ou à des ulama pour leur demander la réponse sur certains points. Il dit, toutefois, s'il n'est pas capable par la suite de poser la question à des hommes de science, il dit, le minimum qu'il doit faire, c'est de reconnaître son ignorance et de s'arrêter de parler de la religion, jusqu'à ce que Allah lui facilite un moyen d'éliminer son ignorance et d'enlever son ignorance. Si on respectait cette règle, on n'aurait pas de problème par rapport à la religion et on n'aurait plus de problème par rapport à tout ce qui se passe maintenant par rapport au fait que des gens qui parlent de la religion, de l'islam, et non seulement parler, mais même agir sans science. Et l'exemple de qu'est-ce que certains jeunes ont fait, par exemple, en France, la semaine passée, quand ils ont tué les 12 personnes dans le bureau de Charlie Hebdo, ceux qui ont fait les caricatures. Donc, ils sont rentrés, ils ont tué les personnes. Est-ce qu'il y a un savant dans le monde musulman, savant, qui suit le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs, qui a donné une fatwa pour leur dire que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct? Est-ce qu'il y a un seul savant qui a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là, c'est comme ça qu'il faut faire? Aucun. Il n'y a aucun savant qui a approuvé de qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Au contraire, même tous les savants ont condamné leur action. Donc, pourquoi agir? Pourquoi parler et faire des choses dans l'islam alors que tu es ignorant, tu es jahil, et tu n'as pas posé la question aux ulama, et quand tu leur poses la question, ils te disent qu'est-ce qui est correct ou non. Après, tu te sauves toi-même, et tu sauves, tu épargnes les autres. Mais quand tu agis de ta propre tête, et tu ne te poses pas la question, tu ne demandes pas aux ulama, tu ne demandes pas aux hommes de science, et tu fais des choses, ou tu dis des choses à propos de la religion de l'islam, eh bien, tu fais du tort à toi-même, tu fais du tort aux autres. Et c'est ça ce qu'on a vu maintenant de la part de ces ignorants, qu'est-ce qu'ils font. Donc, Allahul Musta'an, qui est-ce qui a applaudi les actes de ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui est-ce qui a applaudi ça? C'est qui a dit, oui, c'est bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui? Des djuhal, oui, c'est des djuhal, des ignorants, des jeunes qui sont, comme on dit, mutahammisin. Ils sont excités, et quand ils voient ça, ils sont pris par les émotions et le sentiment, mais pas par la science. Ce n'est pas des jeunes qui ont aimé la science et qui connaissent la science. Non, ce n'est pas permis de rentrer dans des débats avec des gens sur les questions de complot, les questions de, comme ces gens-là, ils disent, « Oh, mais ça, c'était un coup monté, ça, c'était arrangé, ça, c'était ci, ça, c'était ça. » Parce que, en général, la plupart de qu'est-ce que les gens disent à ce sujet-là, c'est pas supporté par des preuves. Hein? C'est pas supporté par des preuves. Et c'est des conjectures, comme on dit, al-dhan. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de suivre al-dhan, de suivre les suppositions et les conjectures. Mais de s'accrocher à ce qui est certain, à ce qui est clair. Et qu'est-ce qui est certain et clair par rapport à cette situation? C'est qu'est-ce qui a été dit, hein, du fait que ce sont des jeunes qui se disent musulmans ou qui sont musulmans, qui ont fait ce qu'ils ont fait au nom de l'islam, et qui ont fait ce qu'ils ont fait soi-disant pour venger l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tué des innocents, qui ont tué des gens, et même parmi eux, il y avait des musulmans, et qui par la suite se sont fait attraper, se sont fait tuer. Donc ça, c'est des choses, tu ne peux pas le nier. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière ça? Peut-être s'il y a des choses comme eux, ils le prétendent parfois. À chaque fois qu'il y a eu un événement de ce genre, il y a toujours des gens qui viennent par la suite pour dire « Non, c'est pas vrai. Non, il y a un coup monté. Non, il y a un complot. » Et justement, il y a le frère qui est un talib ilmi en Angleterre, que je connais bien, frère, c'est Abu Hakim Bilal Davis. Et il a étudié à l'Université islamique de Médine pendant plusieurs années. Et il parlait justement de ce sujet-là. Et quand il y a eu le Woolwich, il y a eu une ville en Angleterre où il y a un gars qui a coupé la tête d'un soldat ou d'un policier avec un couteau. Non, il lui a coupé la tête. Ouais. En tout cas, et c'est arrivé, je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant. En tout cas, quand c'est arrivé, ils ont même mis les photos dans les médias, puis dans les trucs, on voyait les mains, le gars avec les mains en sang, puis en tout cas, toutes sortes de choses comme ça. Les frères, le frère Bilal, il disait, ces gens-là, il y a des gens qui ont dit non, c'était pas vrai, c'était un coup monté, des choses comme ça. Pourtant, il dit, le frère en question, il y en a un frère qu'il connaissait, il a parlé avec la personne en question qui a fait ça. Hein? Un frère qu'il connaît a parlé avec cette personne qui a fait ça. Il a eu une discussion avec lui pendant 3 heures pour essayer de lui faire comprendre que qu'est-ce qu'il suivait, c'était la voie des Khawarij, que c'est une voie d'égarement, que c'est pas la bonne voie, qu'il doit revenir à la sunna. Pendant 3 heures, il a essayé de le convaincre et la personne ne voulait rien entendre. Naam. Donc il dit, ces gens-là, ce sont des vrais khawarij. Et les khawarij, ils existent. Ce n'est pas quelque chose qui existe juste dans les livres. Des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans les hadiths et que c'était juste quelque chose qu'il mentionnait comme ça, comme une histoire. Non, c'est quelque chose de réel. Et les khawarij et leurs caractéristiques, ils existent réellement. Et moi-même, j'en ai rencontré de ces gens-là avec ces idées-là, ici à Montréal et dans d'autres pays, dans d'autres villes, et ils existent pour de vrai. C'est pas un complot, c'est pas une conspiration, c'est la vérité. Même si eux, peut-être qu'ils sont utilisés par des koufars pour faire ces choses-là ou pour agir comme ça, mais eux, ils croient réellement en ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y allait y avoir des gens dans la Ummah qui allaient penser comme ça, qui allaient agir comme ça, qui allaient faire ces choses-là. Il les a décrits tels quels. Hein? Donc ça, c'est pas des complots, c'est pas des choses imaginées, c'est des choses réelles. Hein? Les khawarij, c'est une réalité, mon frère. Et si, comme le frère Bilal, il disait, si c'est pas eux les khawarij, c'est qui? Hein? Dans la Ummah actuellement, si c'est pas eux, c'est qui les Khawarij? Hein? Non, en général, ils nous appellent pas des Khawarij, ils nous appellent des Murji'a. Hein? Ils pensent qu'on est des Murji'a. Mais en réalité, hein, ce sont eux les Khawarij. Et l'Empire Ottoman, à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle n'englobait pas la région du Najd. Donc le Najd était un endroit indépendant. Le Najd, c'est la région de Riyad et les alentours. Cette région-là, elle est indépendante de l'Empire ottoman. C'est comme le Maroc. Le Maroc ne faisait pas partie de l'Empire ottoman. De même que beaucoup d'autres pays, l'Indonésie et autres, ne faisaient pas partie de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'avait pas d'autorité dans ces territoires-là. C'est des territoires indépendants. Et c'est l'Empire ottoman qui a attaqué Mohammed bin Saoud et ses descendants. C'est eux qui les ont attaqués en premier. C'est pas eux qui ont attaqué l'Empire ottoman. Donc il faut connaître les faits historiques et comprendre. Il n'y a pas eu de révolte contre l'Empire ottoman à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils n'ont jamais appelé à se révolter contre les dirigeants de l'Empire ottoman. C'est pas vrai ça. Et eux-mêmes, ils étaient indépendants de l'Empire ottoman aussi. Donc c'était pas leurs dirigeants. Et donc c'est ça. Et de dire, comme tu dis, ils disent qu'on est des Khawarij. Ils disent plutôt qu'on est des Moudjia et non des Khawarij. Et ceux qui disent parmi eux qu'on est des Khawarij, ils disent Khawarij avec les Du'at et Murji'a avec les Hukam. C'est une de leurs Shubha. Comme s'ils disent, vous êtes des Khawarij avec les Du'at. Ils parlent de qui? Ils parlent des Du'at, des Mubtadi'a, des Ikhwan et des gens de Hizbiya. Donc ils disent, vous êtes durs avec eux. Ils vous les critiquez. Tandis qu'avec les dirigeants, vous êtes des Murji'a parce que vous ne faites pas leur takfir et des choses de ce genre. Alors que quand tu regardes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des dirigeants injustes. Dans plusieurs hadiths, il a dit, il va y avoir des dirigeants qui vont venir après moi. Ils ne vont pas vous donner vos droits. Ils vont vous frapper. Ils vont vous prendre vos biens. Et ainsi de suite. Il a donné des exemples d'injustice qu'ils vont faire. Il a dit, les sahaba à chaque fois ils demandaient, mais ô messager d'Allah, est-ce qu'on doit se révolter? Est-ce qu'on doit sortir contre eux? Est-ce qu'on doit prendre les armes contre eux? À chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, tant qu'ils établissent la salat parmi vous. Non, vous écoutez et vous obéissez, même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens. Non, sauf si vous voyez un coffre clair au sujet duquel vous avez à son sujet une preuve venant d'Allah, et ainsi de suite. Donc à chaque fois il dit non, non, non, non, vous sortez pas. Donc est-ce que tu vas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était murji avec les hukam? Toutefois quand il parle à propos des khawarij, il dit yani yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyya. Oui, il dit ça, mais je veux dire, yani law adraktuhum la qataltuhum qatla ad khayr qatla tahta adim sama touba liman qatalahum aw qataluhu. Donc tout ce qui a rapport avec les khawarij, parce que ce sont des mubtadi'a, ce sont des gens qui sont des du'at à l'égarement, il nous dit, ils sortent de l'islam comme la flèche, elle traverse sa proie, ou sa cible. Et il dit à leur sujet, si je les avais rencontrés, je les aurais exterminés comme le peuple de Had a été exterminé. Il dit, annoncer la bonne nouvelle du paradis à ceux qui sont tués par eux ou à ceux qui les tuent. Et il dit dans un autre hadith, il dit ceux qui sont tués par eux sont les meilleurs au monde sous le ciel. Donc pour dire que ça c'est des caractéristiques de yani, pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les blâme ces gens-là. Il les dénigre et il montre leurs mauvaises caractéristiques parce qu'il a dit hum sharrul khalq wal khaliqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits comme ça. Il les a même appelés kilab ou ahl al-nar, les chiens de feu de l'enfer. Sharrul khalq, les plus pires des créatures, wal khaliqa. Et il a dit ils sont les chiens de l'enfer. Donc tout ça c'est des caractéristiques. Tu vas dire quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était khawarij avec les du'at? Nous, on suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envers les dirigeants injustes, il nous a dit de ne pas les se révolter contre eux, de ne pas les combattre et d'écouter et d'obéir. Et envers les Khawarij, il nous a dit de les combattre avec le dirigeant. Et que ce sont les pires des créatures, que ceux qui sont tués par eux ou ceux qui les tuent sont les meilleurs. Hein? Et que s'ils les avaient rencontrés, ils les auraient exterminés comme le peuple de Had. Nous, on dit exactement qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet. Tandis que eux, ils disent le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils veulent qu'on soit doux avec les Khawarij et qu'avec les dirigeants injustes, on soit comme les Khawarij. Donc c'est eux qui ont mis la religion à l'envers. C'est eux qui ont une compréhension à l'envers des choses. Et c'est pour ça qu'ils pensent que nous, on est des Murji'a. Alors qu'en réalité, ils pensent qu'on est des Murji'a parce qu'ils sont des Khawarij. Mais s'ils étaient des gens de la Sunna, ils sauraient que nous, on est des gens de l'Ahl-Sunna et ceux-là sont des... On a parlé de ça au dernier cours, dimanche passé. Et Abdullah ibn Zubayr, la plupart des musulmans, ils avaient donné, la plupart des régions de la Ummah avaient donné bay'a à Abdullah ibn Zubayr. Il n'y avait pas encore un dirigeant établi, parce qu'après la mort du khalifa qui était avant, je pense que c'était Yazid, Allahu a'lam, il n'avait pas désigné de successeur. Et donc, celui qui a été... après, il y a eu un vide. On ne savait plus qui était le khalifa. Alors, beaucoup de musulmans de différentes régions, de Mecca, du Yémen, de la Syrie, il y en a plusieurs régions, ils ont donné la bay'a à Abdullah ibn Zubayr. Mais Al-Hajjaj, qui était avec Abdul Malik ibn Marwan, il a attrapé Abdullah ibn Zubayr, puis il l'a tué. Et il a tué plein de musulmans, plein de gens, il a fait couler plein de sang. Puis par la suite, ils ont pris le pouvoir. Et les sahaba et les musulmans lui ont donné la bay'a par la suite. Il n'y a pas eu de renversement, il n'y a pas eu de révolte contre un dirigeant, puisque le dirigeant n'était pas encore au pouvoir. Mais les salafs, comme l'imam Ahmad et l'imam Al-Barbahari et la plupart des imams d'Ahl-Sunna, ils ont tous dit que si il n'y a pas de dirigeant, puis qu'on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes pour prendre le pouvoir, mais qu'il y en a un parmi eux qui prend le dessus sur tous les autres et qui les écrase militairement et qui prend le pouvoir par la force et par l'épée sur les autres, c'est lui qui devient le khalifa et la bay'a, il lui donne la bay'a et c'est lui qui doit être écouté et obéi par la suite. Donc ça c'est des choses claires, il y en a dans la charia, il n'y a pas de... c'est même pas une shubha, mais c'est eux qui mentionnent, parfois les takfirines ils mentionnent ça, comme s'ils pensent qu'ils ont un argument en mentionnant cet exemple d'Abdullah ibn Zubayr, alors qu'en réalité, non, pas du tout. Abdullah ibn Zubayr s'est pas révolté contre un dirigeant. Au contraire, c'est lui-même qui était le dirigeant. Puisque les gens lui avaient donné la bay'a. Et ça devait être lui qui allait être le khalifa. Et on l'a tué, puis on a pris le pouvoir sur lui. Et les sahaba lui ont donné le bay'a à celui qui l'a tué. Et on dit on l'écoute et on l'obéit. Quand ils ont demandé à Abdullah ibn Omar avec qui tu es, avec qui tu te positionnes dans la situation, Abdullah ibn Omar il a dit ana ma'a man ghalab, je suis avec celui qui va prendre le pouvoir, celui qui va être au-dessus de, qui va prendre le pouvoir sur les autres, c'est avec lui que je vais être, peu importe qui c'est, du moment que c'est un musulman. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc où est-ce qu'on était rendu dans, qu'est-ce qu'on expliquait après? Donc de chercher la science. Parce qu'on parlait des gens qui sont ignorants et qui agissent et qui parlent de la religion sans science. Allah musta'an. Il dit fal khulasa an al jahl nashi'un an amrayn ithnayn. Al-awwal أنه يجهل هل القول الذي يقول به صواب أو خطأ فهو شاك في مدى صحته، فهذا هو الذي حمله على المضي في ضلاله. والثاني الجهل بالدليل الذي يبنى عليه أو الذي يبني عليه، لأن الرأي وحده لا يكفي، ولا بد أن يكون مربوطا بالدليل، ولو كان معه دليل لما ضل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Donc le cheikh il dit, donc pour résumer qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la situation, c'est que l'ignorance elle vient de deux choses. La première, soit que tu ignores la position elle-même, est-ce que c'est une position qui est correcte ou une position qui est incorrecte. Tu ignores la position, est-ce qu'elle est correcte ou est-ce qu'elle est erronée, incorrecte. Donc tu es dans le doute au sujet de la parole elle-même ou la position, est-ce qu'elle est correcte ou non, est-ce qu'elle est authentique ou non, est-ce qu'elle est vraie ou non. Et c'est ça qui a poussé la personne à avancer dans son égarement. Deuxièmement, c'est l'ignorance de la preuve. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas sur quelle preuve cette position-là est basée. Et donc, il dit le cheikh que de se baser seulement sur l'opinion, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant que tu dises, par exemple, moi je suis telle position, et c'est telle opinion, basée sur ce que le savant a dit. Ça c'est une opinion, une position, mais c'est quoi le dalil? Des fois ça arrive ça souvent, les frères, je discute avec certains frères, ils parlent de certaines questions, et ils disent, ah moi je suis avec tel savant sur ce sujet-là. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu connais le dalil de ce cheikh ou la preuve qu'il a pris pour supporter cette position-là? Et donc, tu vois que souvent, la personne, elle ne connaît pas le dalil. Elle connaît la position, et elle défend la position, mais elle ignore la preuve qui la supporte dans le Coran ou dans la Sunna. Donc, il dit, il faut que la position soit attachée à la preuve. Hein? Parce que l'opinion tout seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait avec cette preuve il faut qu'il y ait avec cette position ou cette parole une preuve, yani. Et s'il y avait une preuve avec cette position, la personne en question ne serait pas égarée. Et il mentionne des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie: et s'il te vient de ma part une guidance, alors quiconque suit ma guidance, nulle crainte sera, il n'aura nulle crainte et il ne sera pas attristé. Et dans un autre verset, ça c'est le verset 38 dans Surat Al-Baqarah, le verset 123 dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie: et s'il te vient de ma part une guidance, alors quiconque suit ma guidance, alors il ne va pas s'égarer et il ne sera pas malheureux. Et il dit يصدقه أو يصدقه قوله تعالى: إما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ça c'est le verset 72 dans Surat Al-Ahzab. Et le cheikh il va expliquer le tafsir de ce verset. C'est un très très bon verset, un très bon tafsir. Vous allez voir, il y en a très très bénéfique. Donc, on va lire ça, le verset, la traduction du verset ensemble. On a dit le verset 63. 73, oui, c'est ça, 73. Et il en est ainsi. Alors, il dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, al-amana. On avait proposé, al-amana. Al-amana, c'est la responsabilité, ou le dépôt, ou la charge. On l'avait proposé à qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et ça, c'est des choses immenses, c'est des choses grandes. Allah leur avait proposé de porter la responsabilité et les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Et l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que le cheikh explique à ce sujet-là. Il dit « يُخْبِرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ عَرْضَ الْأَمَانَةِ وهي التكليف الشرعي التكاليف الشرعية عرض تخيير عرض تخيير لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أي اخترنا العافية والسلامة وأشفقنا منها يعني أن الذي حمل الأرض والسماوات والجبال على عدم تحمل الأمانة إنما هو الإشفاق منها يعني الخوف من تبعتها. Donc on va traduire ça. Le cheikh il dit que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a proposé ou présenté l'amana, c'est-à-dire la responsabilité et la charge des obligations de la charia aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et il leur a donné le choix. Et il leur a proposé le choix de l'accepter ou non. Et yani, elles ont toutes refusé. C'est-à-dire les cieux, la terre et les montagnes ont refusé de porter cette charge. Et elles ont choisi pour elles-mêmes yani, d'en être exemptées et d'en être sauvées. Et elles en ont eu peur. C'est-à-dire, les cieux, la terre et les montagnes ont eu peur de prendre cette charge. C'est à cause des conséquences de cette charge qu'elles ont eu peur de la prendre, cette responsabilité-là. فَإِنَّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ أَثَرَتِ السَّلَامَةِ عَلَى الْغَنِيمَةِ وَلِذَلِكَ أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا. Donc, ces grandes créatures-là, ces grosses créatures que Allah a faites, elles ont préféré ne pas prendre cette charge et cette responsabilité. Et elles ont préféré d'être épargnées que d'avoir le butin. Il dit وَلِهَذَا أَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ أَيْ آدَمْ وَذُرِّيَتَهُ يعني وَذُرِّيَتُهُ وَمِنْ بَعْدِهِ طَمَعًا فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فآثروا الغنم والرجاء على الخوف والغرم ثم انقسموا إلى أقسام ثلاثة. Donc le cheikh il dit, puis donc l'être humain lui il a porté cette charge, c'est-à-dire Adam et ses enfants qui sont venus par la suite par espoir en la récompense, et ils ont préféré le butin et l'espoir à la crainte et à la punition. Et il dit, ils se sont divisés ensuite en trois catégories. ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام فمنهم من رفض القيام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات قال الله عز وجل ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ومنهم من تحمل ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ويعذب المنافقين والمنافقات ومنهم من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون ولهذا قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وهذا يدل على حصول التقصير الذي يتوب الله على صاحبه. Donc le cheikh il dit, Ensuite, les hommes se sont divisés en trois groupes par rapport à cette charge et cette responsabilité, et ils sont nommés dans la suite des versets qui viennent après, c'est-à-dire, et il est ainsi qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, hein, c'est-à-dire les mouchriquines, hommes et femmes, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes, des croyants, hommes et femmes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le cheikh, il dit, ici, on voit qu'il y en a qui ont refusé cette amana et de prendre la charge, en apparence et intérieurement. Et ce sont les mouchriquoun, les kuffars. Eux, ils ont refusé l'amana complètement, intérieurement et extérieurement. Et il y a ceux qui ont pris l'amana en apparence, mais qui l'ont rejeté intérieurement, et ce sont les hypocrites, les munafiqoun. Parce qu'ils ont montré l'islam et ils ont caché le kuffre intérieurement. Et ensuite, il y a les croyants qui ont accepté l'amana en apparence et qui ont accepté l'amana intérieurement également. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, wa yatoub Allahu ala al-mu'minina wa al-mu'minat, c'est-à-dire Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. C'est-à-dire que il va y avoir des manquements de la part des croyants. Il va y avoir des manquements dans la façon dont ils prennent cette charge. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentance. Hein? Accepte leur repentance. Wa yatoub Allahu ala al-mu'minina wa al-mu'minat. Et il dit, wa qawluhu wal jahl wa al-zulm huma aslu kulli shar. Yani, anna al-zulm wal jahl al-madhkurani fi qawlihi ta'ala. إنه كان ظلوما جهولا داءان خطيران في الإنسانية فلا يكون الشر إلا منهما وهذا فيه التحذير من الظلم وهو الاعتداء على الناس والتغلب على ملكهم بغير حق والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ظلم الشرك وهو الذي يكون بين العبد وربه وهو الشرك وظلم الناس ويكون بالتعدي عليهم وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب والجهل والجهل ملازم للظلم وهو هنا بمعنى عدم الحلم قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم وعدم التأني والتروي في الأمور والنظر في العواقب ولهذا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ليس الجهالة هنا معناها عدم المعرفة أو عدم معرفة الحكم الشرعي وإنما المراد بها عدم التأني والحلم والتروي في الأمر. Donc le cheikh il explique ici, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et l'homme l'a porté cette charge, إنه كان ظلوما جهولا, c'est-à-dire il est certes ignorant, injuste et ignorant. Et le cheikh il dit, cheikh l'islam, il dit que l'ignorance et l'injustice sont les deux bases de tout mal, sont les deux sources ou les deux bases de tout mal dans l'humanité. Et il dit que l'injustice et l'ignorance sont mentionnés dans le verset en question, et ce sont deux mots dangereux qui existent dans l'humanité. Et il a dit qu'il n'y a pas un mal excepté que ça vient de ces deux mots, hein, l'injustice et l'ignorance. Et il dit, c'est pour ça que il y a en même temps dans ça une mise en garde contre l'injustice, et c'est de transgresser contre les hommes et de vouloir s'approprier leurs biens sans qu'il y ait un droit de le faire. Et l'injustice se divise en trois catégories. L'injustice qui est le shirk, zulm shirk. Et zulm shirk, ça c'est l'injustice qui est entre le serviteur et son seigneur, hein, lorsqu'il associe avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc ça c'est la plus grave des formes d'injustice. Ensuite il y a zulm nas, c'est-à-dire de transgresser contre les hommes, de faire de l'injustice aux hommes. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est zulmun nafs, c'est-à-dire que tu te fais de l'injustice à ton âme, à toi-même, en faisant des péchés, en faisant des péchés et des désobéissances. Et il dit que l'ignorance et l'injustice sont interreliées. C'est-à-dire que l'ignorance et l'injustice sont mutalazim. C'est-à-dire les deux là, ils sont liés. Un implique l'autre. Hein? L'un vient avec l'autre automatiquement. Et il dit que c'est pour ça que des fois on utilise le terme de l'ignorance pour dire justement le fait de ne pas avoir de compassion envers les gens, de ne pas avoir de bonté envers les gens. Et il cite la parole du poète qui dit que personne n'agisse envers nous sans compassion ou sans bien, parce que sinon, nous, on va agir nous aussi d'une manière ignorante qui dépasse toute l'ignorance des autres. En voulant dire, on va faire plus que lui. Si quelqu'un nous fait agir envers nous par injustice ou nous fait du mal ou de l'ignorance, nous, on va dépasser son ignorance encore plus et on va faire encore plus de mal. Hein? Donc, c'est un poème de la Jahiliya probablement. Tu vois, donc les Arabes, comment ils pensaient avant l'islam. Et il dit, donc l'ignorance, on l'utilise pour dire également le fait de ne pas avoir de douceur, de compassion, d'être posé dans nos actions, dans nos gestes, dans nos paroles. Et de regarder les conséquences de qu'est-ce qu'on fait pour voir les conséquences avant d'agir. Ça, c'est le contraire de... Tout ça, c'est le contraire de... ou plutôt, c'est l'absence de... qu'est-ce qu'on dit, al-hilm, mais en même temps c'est le contraire, c'est le fait de ne pas avoir, c'est, ou bien plutôt le fait d'agir par ignorance, c'est ça, c'est le contraire d'agir par ignorance. Quand tu n'as pas de, tu n'es pas posé, tu n'es pas, t'as pas de compassion, t'as pas de douceur, t'as pas de sagesse, hein? Et il dit que dans le verset 18 dans sourate An-Nisa, le terme jahl, ça veut pas dire l'ignorance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la repentance n'incombe à Allah que pour ceux qui agissent, hein, c'est-à-dire qui font du mal par ignorance. C'est comme ça que c'est traduit, je pense, même dans la traduction du Coran. Le verset 17 dans Sourate An-Nisa. On va voir comment ils l'ont traduit. Donc il dit, le traducteur a traduit ainsi. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Eh bien, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est pas ça que ça signifie, le terme bijahalatin. Il dit, bijahalatin, ça veut pas dire par ignorance. Parce que déjà, en partant, si quelqu'un fait un péché par ignorance, c'est pas un péché. C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose, il savait même pas que c'était haram, est-ce qu'il va être coupable? Non, parce qu'il savait pas. Donc, déjà, en partant, yani, c'est clair que ça ne veut pas dire par ignorance le verset. Mais le cheikh il explique, il dit laysa al-jahala huna bima'naha 'adam ma'rifati al-hukm al-shar'i. C'est-à-dire l'ignorance dans le verset 17 dans sourate An-Nisa, ça ne veut pas dire de pas connaître le verdict de la charia à propos de telle action ou telle chose. Mais il dit wa innama al-murad 'adam at-ta'anni wal-hilm wat-tarawwi fi al-amr. Mais ça veut dire de pas être posé, de pas prendre son temps pour réfléchir avant d'agir. C'est ça que ça veut dire. Parce que quelqu'un, quand il fait un péché, même s'il a la connaissance que c'est haram, il le fait quand même, parce qu'il suit sa passion, il suit ses désirs. Et à ce moment-là, il réfléchit pas aux conséquences. Il réfléchit pas au mal qu'il fait. Parce qu'il pense juste à Shahwa ou bien à ses désirs ou à sa passion. Il réfléchit pas. Et donc, c'est ça que ça veut dire le verset. Hein? La repentance est pour ceux qui, yani, la repentance est pour Allah et seulement, c'est-à-dire ceux de, à qui Allah subhanahu wa ta'ala va accepter la repentance, c'est seulement ceux qui font du mal, yani, alors qu'ils font cette action-là, yani, sans réfléchir, sans penser, sans penser aux conséquences de qu'est-ce qu'ils font. Puis ensuite, il dit, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. C'est ça, hein? La suite du verset. Et qui aussitôt se répandent. En arabe, le verset, c'est ça. C'est que, يعني, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Donc c'est ça. Donc Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal, yani, sans penser ou à un moment d'insouciance, hein, ou bien disons quand ils sont en train de suivre leur passion, ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant d'agir, mais aussitôt qui, yani, aussitôt, les ulama, ils ont dit aussitôt se repentent, ils ont dit aussitôt, ça veut dire quoi? Aussitôt, min qarib, ça veut dire quoi? Min qarib, ils ont dit avant la mort. Ils ont dit avant la mort, yani qabla al maut, qabla al gharghara. Aina, c'est quoi le hadith qui dit na, c'est ça. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va pas accepter la repentance de quelqu'un. Il va accepter la repentance de quelqu'un tant qu'il n'a pas, yani, la mugharghir, c'est le bruit que fait la personne lorsque l'ange est en train d'arracher son âme. Hein, il, à un moment donné, des fois, il va faire un bruit comme ça dans sa gorge. Et ben, c'est al-gharghara. Hein, et jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Non. Je sais pas. Allahu a'lam. Mais par contre, c'est ça. Donc, il y a Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi la yaqba inna Allah ata. La tanqati'u at-tawba hatta la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'u at-tawba. ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم, c'est ça. La hijra va pas cesser d'être acceptée jusqu'à ce que, yani, la hijra va pas cesser, l'obligation de la hijra va pas cesser. C'est ça. La hijra ne va pas cesser d'être obligatoire jusqu'à ce que la repentance ne cesse pas d'être acceptée. Et la tawba ne va pas cesser d'être acceptée jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Non. Ça, c'est un hadith. C'est rapporté par Al-Bukhari. Il est mentionné même par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha comme preuve pour l'obligation de la hijra. Donc c'est ça. ثم يتوبون من قريب. Ok. Donc on va terminer le cours avec le dernier point, puis après on va s'arrêter. Le cheikh dit وأما أنواعه فهو في الأصل قسمان. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه. على وجوه. منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال كلاكما محسن. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la divergence, elle est de deux catégories. Il y a la divergence qu'on appelle ikhtilaf tanawwu, c'est-à-dire quand il y a différentes façons de faire quelque chose qui est supporté par des preuves. Alors ça c'est une forme de divergence, et il y a une autre forme de divergence qu'on appelle ikhtilaf tadad, c'est-à-dire une divergence qui implique une contradiction, hein, ou qu'il y a, deux choses, une qui dit le contraire de l'autre. Il dit, et l'ikhtilaf tanawwu, il dit, il y en a plusieurs exemples de ça, des variations de faire des choses qui sont valables dans la charia, comme dans ce cas-là, les deux positions sont correctes et sont bonnes, ou les deux actions sont vraies et sont en accord avec la charia, comme l'exemple des récitations qui étaient différentes parmi les sahaba parfois de certains versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ceux qui s'était disputé à ce sujet-là ou qui était en divergence par rapport à ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit vous avez raison tous les deux, hein, vous êtes corrects tous les deux. Donc le cheikh al-Fawzan il explique ça, il dit wa amma qawluhu wa amma anwa'uhu fa huwa fi al-asl qisman yani ana al-ikhtilaf naw'an an-naw' al-awwal ikhtilaf at-tanawwu' wa huwa an yakhtalif al-ulama' fi mas'alatin min al-masail nazaran li anna ad-dalila yahtamilu akthar min wajh fa kullun ya'khudhu bi wajhin min al-wujuh من فكل يأخذ بوجه من وجوه الآية أو الحديث فهذا يسمى اختلاف تنوع وهذا اختلاف لا يذم لأنه مستند إلى دليل. والنوع الثاني اختلاف التضاد وهو أن يكون أحد المختلفين ليس معه شيء من الدليل فهذا يذم وقوله قول باطل لأنه مخالف للدليل. Donc le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne les divergences, il dit elles sont de deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de divergences. La divergence, c'est la première catégorie, c'est la différente, les différentes variations, des divergences de variations. Et dans ce cas-là, c'est que les ulama ils divergent dans une question par rapport aux questions de l'islam, et ils regardent tous un dalil sur un point de vue. Ils ont tous regardé la preuve, mais d'un point de vue. Donc chacun, ils ont un point de vue par rapport au verset ou au hadith, et on appelle ça une divergence de variation. Et on va donner des exemples de ça aussi. Cheikh l'islam, il en cite d'autres après, c'est-à-dire au prochain cours, Inch'Allah. Il dit chacun il a sa preuve, et qu'est-ce qu'il fait, c'est correct. Il y a l'autre divergence, c'est la divergence qui implique une contradiction, c'est-à-dire que un des deux qui diverge, il n'a pas de preuve. Donc dans ce cas-là, celui-là, cette divergence-là, elle est blâmable, hein? Et ça c'est celui dont la parole est fausse parce qu'elle est en contradiction avec le dalil, un des deux, c'est-à-dire un des deux a pas de dalil. Il dit وقوله اختلاف التنوع على وجوه. Il dit la divergence de variation, hein, quand c'est les différentes variations de faire les choses, il y en a plusieurs façons, il y en a plusieurs sortes. Et le cheikh il a cité en premier l'exemple de la récitation, des différentes récitations ou différentes lectures du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité d'autres exemples par la suite, comme par exemple la différente façon de dire le tashahhud, les différentes façons de dire le adhan ou les iqama. Il y a différentes variations dans ça qui sont valables parce qu'il a été rapporté de plusieurs façons authentiques. Donc n'importe quelle version authentique que tu décides de prendre, et de suivre, dans ce cas-là, tu vas pas être blâmé. Parce qu'il y a différentes façons de le faire, le adhan. Celui qui suit une version, tu vas pas lui dire non, suis pas cette version, suis l'autre version. Les deux sont authentiques. Donc tu peux prendre elle ou tu peux prendre elle. Il n'y a pas de problème. Mais Yanni, si tu veux varier, tu peux. Mais c'est pas obligatoire que tu changes à chaque fois. Tu comprends? Mais c'est bien de changer de temps en temps, comme pour faire revivre la sunna. Hein? Mais sinon, si tu crains que ça va mélanger les gens, que tu vas faire une autre version qui est bonne, mais que les gens ils connaissent pas, et toi tu vas commencer à mélanger les gens, et les gens vont être tout confus, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, c'est mieux de pas le faire, tu vois? Donc il faut voir aussi. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne la divergence de différentes version ou variation, il dit أحدها يعني اختلاف التنوع على وجوه أحدها مثل ما سبق في حديث ابن مسعود لما سمع قارئا يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود فما كان إلا أن يأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سمع قراءتهما قال كلاكما محسن أي مصيب في قراءته لأن القرآن نزل على سبعة أحرف وهذا من تيسير الله لهذا القرآن وكلهم تلقوا هذه القراءات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل قراءة موافقة لشروط القراءة الصحيحة من صحة السند وموافقة الرسم العثماني وموافقة وجه لغوي فهي قراءة صحيحة وإن اختلف بعض الحروف مثل يعملون وتعملون وإن اختلفت الحروف فالمعنى واحد يقول الناظم وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمل احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. Donc le cheikh il dit que quand les deux personnes ont divergé par rapport à la récitation de certains versets du Coran, Abdullah ibn Mas'ud il a entendu quelqu'un qui récitait d'une façon différente de celle qu'il avait entendue, il l'a amené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté les deux comment ils ont récité et il a dit vous avez tous les deux raison. Hein? Donc chacun avait raison dans sa récitation parce que le Coran était descendu avec sept lettres, hein? Sept lettres, et ça c'était pour faciliter, hein, aux gens la lecture du Coran. Et donc chacun avait reçu ces récitations là du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et chacun donc avait une récitation qui respecte les conditions de la récitation authentique parce qu'elle est rapportée avec une chaîne de transmission authentique, parce qu'elle est en accord avec le texte du Mus'haf Uthman, de Uthman, hein, Ar-Rasm al-Uthmani, et parce qu'il est en accord avec la langue arabe, c'est-à-dire les règles de la langue arabe, et c'est une récitation authentique. Donc dans ce cas-là, même s'il y a des lettres qui sont différentes, mais la signification c'est la même. Comme par exemple dans certains versets, c'est écrit Ya'maloun, d'autres récitaient Wata'maloun. Ya'maloun au lieu de Ta'maloun. Hein? C'est-à-dire ils mettent les deux points en haut ou bien ils mettent en bas. Ya'maloun, Ta'maloun. Mais les deux c'est la même signification. Yani, donc, c'est-à-dire que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran avec sept lettres différentes. Et parce que les Arabes à l'époque, ils avaient différents dialectes et différentes façons de dire les choses ou de prononcer les choses. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait à chacun. Selon la lecture qui leur était le plus facile. Puis comme on l'a expliqué dans les cours précédents, tu n'étais pas là peut-être, donc c'est pour ça que tu comprends pas, mais c'est qu'en fait, les sahabas avaient tous appris ces différentes récitations-là. Mais quand l'islam a commencé à se propager, et que les non-arabes ont commencé à rentrer dans l'islam, les sahabas ont commencé à voir que, yani, ils commençaient à se disputer, disons, dans la façon comment ils doivent réciter le Coran. Alors les sahabas ont décidé de réunir toutes les récitations dans une seule, c'est-à-dire la lettre de Quraysh. Naam. Et donc ils ont tous réuni toutes les autres récitations, les autres lettres, et ils les ont brûlées. Et ils ont gardé seulement le mushaf de Uthman. Et c'est ça qui est resté maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est les qira'at. Donc, c'est les différentes lectures du Coran. Donc, tu peux trouver Hafs, Warsh et d'autres, Qaloun, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des récitations. Elles sont aussi valables. Tu peux apprendre à réciter selon la récitation de Warsh ou de Hafs, ou ainsi de suite. Et des fois, il y a des petites différences entre les deux. Mais c'est la même chose. Hein. Non, mais ça a été appelé comme ça, Sabat Ahruf, mais plutôt c'est des, disons, des façons de prononcer différentes. Ouais, les tribus, différentes tribus. Arab. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين